Certains l'ont appelé le trou noir de l'Europe, un pays improbable, sans véritable existence légale, qui tiendrait d'un album de Tintin revisité par le George Orwell de 1984 ou le Alfred Jarry du Burroi. Ce pays, c'est la République moldave de Transnistrie, capitale Tiraspol. Nichée au cœur de l'Europe centrale, coincée entre la Moldavie et l'Ukraine, la petite Transnistrie, à peine 4000 km², a connu en 1992 une guerre meurtrière qui est pratiquement passée inaperçue en Occident. Un conflit où l'on a vu surgir vestiges anachroniques de l'époque tsariste des Cosaques, venus combattre aux côtés de leurs frères russophones. Musée vivant du communisme à la soviétique, pour les rares visiteurs autorisés à y entrer, ce morceau de Moldavie qui a proclamé unilatéralement son indépendance et qui n'est reconnu par aucun État, est aussi une sorte de supermarché de la mort. On y trafique, on y vend des armes de toutes catégories qui vont alimenter les conflits du monde entier. Autant dire qu'il s'agit d'une véritable poudrière située aux portes de l'Europe depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union en janvier 2007. Mais c'est aussi, et surtout, un bastion avancé de Moscou, bien que la Transnistrie se trouve à 600 km de la frontière russe. Un coin enfoncé entre deux pays qui regardent résolument vers l'ouest. Bref, une situation qui ne manque pas de rappeler celle de la Géorgie, qui vient de subir un sévère rappel à l'ordre du Kremlin. Monsieur X poursuit son récit et dévoile quelques-uns des mystères de la petite Transnistrie qui se refuse obstinément à réintégrer le giron moldave. Je crois avoir esquissé quelques-uns des traits du régime qui sévit à Tiraspol. Oui, corruption, népotisme, avez-vous dit la semaine passée. Hein. Ça mérite une explication. Le maître de la Transnistrie, réélu président à plusieurs reprises, s'appelle Igor Smirnov. Cet autocrate russe, vraisemblablement téléguidé par l'ancien KGB, a pris les rênes du pays dès 1989. Ouais, à l'époque, enfin, c'est-à-dire quand la Moldavie était encore une république soviétique, Smirnov dirigeait, vous m'avez dit, une entreprise hein. Une usine d'électricité, oui. C'était alors un pur apparatchik. Il s'empare, sans coup férir du pouvoir, en jouant du sentiment russophone de la population de la Transnistrie. Contre les autorités moldaves, hein, qui, elles, sont roumanophones. Et dès son accession à la tête de la Transnistrie, Smirnov met en place un système autoritaire qui lui permet de mettre en coupe réglée ce minuscule territoire très industrialisé. À la différence du reste de la Moldavie, qui est plutôt agricole. Il est très pauvre. La Moldavie est aujourd'hui le pays européen le plus déshérité. Un mot, si vous le voulez bien, sur sa situation catastrophique. Le marasme économique oblige de nombreux habitants à fuir. La Moldavie est un pays qui se dépeuple à grande vitesse. En outre, la corruption croissante et l'existence de milieux criminels font de la Moldavie un véritable réservoir de la prostitution. Innombrables sont les cas des jeunes femmes contraintes à l'exil, battues, violées et obligées de rejoindre les bordels turcs ou européens. Et sans que les autorités apparemment ne réagissent. Non, hein. Non, les trafiquants de chair humaine procèdent en toute impunité. Et seuls des ONG viennent au secours de ces malheureuses créatures abandonnées par la justice de leur pays. J'ajoute, et ça nous ramène à notre sujet, que c'est souvent par la Transnistrie que passent les filières de cette traite des blanches. Pourquoi ? Parce que dans cet état de non-droit où les journalistes ne sont jamais les bienvenus, les trafics, tous les trafics sont possibles. Oui, et impunis. Il suffit de graisser la patte des fonctionnaires chargés de garder les frontières. On a même parlé de capitalisme de contrebande. Alors, revenons à Smirnov, l'inamovible potentat transnistrien. Soutenu de manière constante par Moscou pour des raisons essentiellement stratégiques, il met donc la main sur le potentiel économique de cette république autoproclamée. Et pour faire bonne mesure, il confie à ses deux fils les clés de la maison. Les ressources économiques. Et l'organisation politique qui en découle. Oui. L'un, Vladimir, un ingénieur qui a fait ses études à Odessa, passe d'abord par le MGB, le KGB local, avant de devenir le chef de la police de Tiraspol. Tiraspol, la capitale. Puis il dirige le ministère des douanes. C'est un secteur éminemment stratégique. Ah, forcément, ça permet de toucher sur toutes les importations et exportations. Et le budget de ce ministère serait même supérieur à celui de la République. Et bien sûr, Vladimir Smirnov contrôle aussi toutes les filières clandestines et peut ainsi bénéficier d'un pactole qui se chiffre en centaines de millions de dollars. Ouais, pas mal. Et l'autre fils, alors ? Oleg, ah ben lui, est d'abord passé par l'Académie militaire de Moscou avant d'être affecté au service de sécurité de l'une des principales sociétés du pays, l'usine Electromash, l'entreprise autrefois dirigée par son père quand il a quitté sa Sibérie natale. La sécurité, dans la quinzaine des grandes usines de Transnistrie, est un secteur primordial. Et pourquoi, non ? Bah, pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. Mais n'allons pas trop vite, n'est-ce pas ? Alors, je ne relève même pas. Oleg Smirnov est surtout l'un des actionnaires principaux du consortium Shérif, et sans doute son véritable patron, même si ce sont deux hommes de paille qu'il dirige. Bon, expliquez-moi, de quoi s'agit-il ? Shérif est une véritable pieuvre en Transnistrie. Elle s'occupe de presque tout. L'alimentation, les stations-service, le transport routier, la téléphonie et bien évidemment les médias. Shérif possède en effet une chaîne de télévision et un journal. Le consortium s'est même offert une équipe de foot et un superbe stade. Ah oui, bah, le pain et les jeux, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Ah, j'oubliais, cerise sur le gâteau, Shérif est dispensé de payer les droits de douane. C'est ça, c'est pratique, hein. Et comme c'est l'autre frère qui dirige les douanes, tout ça, ça se passe en famille. En tout cas, vous avez compris que le clan Smirnov est le véritable propriétaire de la Transnistrie. Il a dû accumuler depuis 89 des biens considérables. Obligatoirement. D'ailleurs, l'un des fils, Smirnov, a été récemment interpellé à Moscou. Dans son sac, il y avait plus d'un million de dollars en liquide. Mais, naturellement, ce grand ami de la Russie n'a pas tardé à être élargi. Il sans doute avait des excuses. Ah, ça, je ne sais pas. Mais ça ne m'étonnerait pas outre mesure, tant la petite République est liée à la Russie. Il faut ajouter, mais j'avais déjà abordé cette question dans notre premier entretien, que ce capitalisme sauvage et clanique s'accompagne d'un véritable culte dédié à l'ancien système. Le système soviétique, vous voulez dire ? Oui, là-bas, les rues portent encore le nom des héros de l'idéologie communiste, Marx, Engels, Liebknecht, et dans la capitale, on peut encore voir une bonne vingtaine de statues de Lénine, tandis qu'on observe un peu partout des monuments frappés de la faucille et du marteau. Mais qu'est-ce que ça signifie ? C'est une manifestation quoi, de nostalgie, de fidélité au passé ? Je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est l'expression d'une fiction. Car à part le décor, il n'y a plus rien de communiste dans la société transnistrienne. Sinon, peut-être la persistance des tares de l'ère soviétique. Une bureaucratie tatillonne, une surveillance policière constante, et pour les pauvres, des restrictions de toutes sortes. Alors, si je comprends bien, enfin, seuls les malins s'en sortent. C'est-à-dire le clan Smirnov et tous ses obligés. Un peu, alors, comme ce qui existait lorsque Boris Yeltsin était le président de la Russie. Oui, où c'était la famille qui gouvernait sa Russie. Famille, entre guillemets. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, il y a beaucoup de points communs, en tous les cas. Ce n'est pas sans doute par hasard si l'ascension de Smirnov a coïncidé avec celle d'Yeltsin. Mais les choses sont en train de changer, car des rivaux se sont levés, discrètement encouragés par Moscou, semble-t-il, Smirnov n'est plus en cours. Mais on y reviendra. Et reprenons d'abord l'histoire de la Transnistrie, là où je l'ai laissée samedi dernier. Oui, alors on était en 1995, et le général Yebed, le faiseur de paix de 1992, venait d'être rappelé à Moscou. Principalement parce qu'il se défiait de la clique corrompue de Smirnov. Puis en plus, il y avait l'ambition politique grandissante de Liebed. Liebed, qui après avoir obtenu une seconde paix en Tchétchénie, se lancera sans succès dans la compétition électorale. Mais pour le Kremlin, il restera un homme dangereux parce que trop populaire. Et on ne peut que s'interroger sur les circonstances de sa mort, en 2002, dans un accident d'hélicoptère. Il aurait pu être éliminé ? Pourquoi pas ? Enfin, je m'éloigne, là. Après 1995, les relations entre la Transnistrie et la Moldavie vont et viennent. Ouais, c'est-à-dire ? À Tiraspol, on reste résolument ancré à l'idée de l'indépendance. Mais c'est à Chisino, la capitale moldave, qu'on fluctue beaucoup au gré des rapports avec Moscou. Ouais, ça passe donc par des hauts et des bas. En effet. Et en 1996, un président roumanophile succède à un dirigeant russophile. Et ça permet de débloquer, au moins partiellement, la question de la Transnistrie. On aboutit en 1997 à la signature à Moscou d'un mémorandum approuvé par Chisino et les séparatistes. Et si la signature a lieu à Moscou, c'est pas non plus par hasard. Bien entendu, c'est le Kremlin qui continue à être le maître du jeu. Alors brièvement, là, le contenu de ce mémorandum. Il s'agit essentiellement d'une normalisation des relations entre les deux entités. C'est donc aussi entériner le statu quo. Hein. Et dans ce texte, il n'est toujours pas question de l'éventuel retrait de la 14e armée russe qui stationne en Transnistrie. Seul point véritablement positif, l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui regroupe 56 États, a été associé à la rédaction de cet accord et sera de plus en plus consulté dans cet épineux dossier. Avec des résultats ? L'OSCE obtiendra des promesses, beaucoup de promesses. En 1999, par exemple, Moscou lui promet de retirer ses troupes et son matériel militaire de Transnistrie avant 2002. Mais les Russes se garderont bien d'évacuer ce qu'ils considèrent désormais comme une base stratégique aux confins de son étranger proche. Photographie de la Transnistrie en 2003. On la doit à l'envoyé spécial de la Croix, Alain Guillemol. Je cite. Au centre de Tiraspol, le temps semble s'être arrêté. Avec ses rues Lénine, Kirov et Karl Liebknecht, ses petites filles qui portent des rubans dans les cheveux, ses rares véhicules en circulation, on se croirait à l'époque soviétique. Mais il suffit de parler avec les habitants pour sentir suinter la misère et la peur. Un enseignant gagne ici l'équivalent de 30 euros, dit cette institutrice. Il en faudrait 300. Pour vivre. Alors son mari est parti travailler au noir à Malte et elle s'interroge sur l'avenir qui attend ses enfants. Mais pas question de le dire publiquement tant la sécurité de Smirnov n'admet pas ce qui contrevient à la propagande officielle. Ici, tous les médias sont fermement tenus en main par le clan Smirnov et l'opposition est inexistante. Si la Transnistrie continue à exister au bout de 12 ans, c'est parce que son existence sert les intérêts géostratégiques de la Russie, mais c'est aussi parce qu'une partie des bénéfices illicites faits dans ce territoire sont redirigés vers Chisinau, Kiev et Moscou, constate Arkady Barbarossi, directeur de l'Institut de politique publique, une ONG moldave. Et c'est aussi parce que, durant 12 ans, l'Union européenne ne s'est guère préoccupée du destin de la Moldavie. En 2001, nouvelle preuve que la politique moldave continue à aller à volo et que les palinodies se poursuivent. Un nouveau président est élu, à Chisinau, Vladimir Voronin. Et non seulement communiste... Une première dans une ex-république soviétique. Hein. Oui, mais c'est surtout un ancien général de la police et un ami de Poutine. Ah, maintenant qu'il est présumé russophile, celui-là. Évidemment. Et dès son élection, il proclame qu'il aimerait unir son pays à la Russie et à la Biélorussie. Une déclaration qui doit être appréciée à Tiraspol, ça. Bien sûr. Et Voronin pense sans doute que cette allégeance à Moscou lui permettra de récupérer la Transnistrie et d'en finir avec le séparatisme. Mais Moscou ne l'entend pas de cette oreille. Et cette proposition moldave se termine en pantalonnade, à tel point que le président Voronin fait volte-face et se tourne vers l'Union européenne. Il a donc compris qu'il ne devait rien attendre de Moscou. Quoi. Et en même temps, à Bruxelles, où l'on sent approcher l'intégration de la Roumanie à l'Union européenne, on commence à s'impatienter. Et pourquoi alors? Parce que même si on ne sait pas tout ce qui se passe en Transnistrie, l'existence même de cette zone de trafic, ce trou noir de l'Europe, comme on l'a aussi appelé, représente une menace. À cause de sa proximité avec les futures frontières de l'Union. Hein, par conséquent, Bruxelles se met en devoir d'exercer des pressions sur la Transnistrie, mais aussi sur l'Ukraine, afin qu'elle surveille plus efficacement sa frontière avec la petite République. Oui, car les trafics passent par l'Ukraine. Et son port d'Odessa sur la mer Noire. Mmh. Mais attendez là, ces pressions sur la Transnistrie peuvent-elles être efficaces alors que vous avez dit que tout se joue à Moscou? En tout cas, l'Union européenne prend des mesures de rétorsion vis-à-vis des dirigeants de la Transnistrie et le clan Smirnov. Une quinzaine d'entre eux se voient désormais interdits de circuler à l'intérieur des frontières de l'Union. Et ça impressionne Smirnov ? Pas plus que ça, car il est toujours assuré du soutien des Russes. Quant aux Ukrainiens, ils ne sont guère dans une position plus confortable, car ils possèdent aussi, d'une certaine façon, leur Transnistrie. Ce que vous voulez dire, là ? La Crimée, largement russophone, dont les habitants ne seraient pas mécontents de rejoindre le grand frère russe. Donc, Il est aisé à Moscou de dire à Kiev « Fichez-nous la paix avec la Transnistrie, continuez à fermer les yeux sur les trafics qui transitent par votre territoire et nous éviterons de nous intéresser de trop près à la Crimée, provisoirement en tout cas, car je suis sûr que Poutine rêve de s'approprier cette province ukrainienne qui abrite une partie de sa flotte de guerre et lui donnerait un accès permanent à la mer Noire. Ouais. » Parce que pour l'instant, la Russie loue simplement le port de Sébastopol. Hein. Mais au terme du bail, que se passera-t-il? Il est certain que la récente crise géorgienne a dû donner des sueurs froides au gouvernement ukrainien. Mais ne nous éloignons pas trop et passons rapidement sur les diverses propositions successives de la Russie quant au règlement de la question transnistrienne. Des propositions qui n'ont, à mon humble avis, qu'un seul objectif. Retarder le plus longtemps possible, et peut-être même éternellement, l'évacuation des troupes russes de Tiraspol. Alors, sans trop entrer dans le détail, où en est-on là, ces dernières années? Eh bien, par exemple, en 2003, Moscou rend public le mémorandum Cossack, du nom de son rédacteur, un diplomate russe. Et c'est assez ahurissant. Ah, développé alors là. Ce texte propose la création d'une fédération en Moldavie qui unirait Chisinau et Tiraspol, mais une fédération asymétrique. Asymétrique, ça veut dire quoi? Les autorités de Transnistrie jouiraient d'un droit de veto sur les affaires moldaves. D'autre part, dans la nouvelle fédération, le russe deviendrait une langue officielle. À côté du roumain. Enfin, un référendum constitutionnel devrait valider l'existence de cette nouvelle Moldavie. Mais donc seuls les Moldaves, là, feraient des concessions. Hein. C'est pourquoi je vous ai parlé d'une fédération asymétrique. En outre, et c'était quand même le point essentiel pour Moscou, le plan Cossack prévoyait le déploiement d'une force d'interposition à la frontière de la Transnistrie. 2000 soldats russes qui demeureraient là jusqu'à la démilitarisation totale de la Moldavie qui interviendrait en 2020. Ouais, autant dire au calendrier grec. Hein. Mais vous l'avez compris, cette dernière clause permettait aux Russes de maintenir leurs forces en Transnistrie. Et ce plan a été refusé? Bien évidemment, et sans surprise. En réalité, Poutine savait que ses propositions étaient inacceptables et que son plan serait recalé. Mais ça lui permettait de gagner du temps et d'occuper le terrain face à une Union européenne de plus en plus pressante. À noter que le président moldave russophile, Voronin, a failli dire oui. Mais devant les manifestations d'hostilité de sa population, il s'est incliné. Cependant, ce sont les Roumains qui ont riposté à leur façon. Ah bon, alors comment? Ils ont décidé d'offrir aux roumanophones de Moldavie qui le souhaitaient la citoyenneté roumaine. Ouais, c'était un véritable appel du pied destiné aux nationalistes moldaves. Et une sacrée pierre dans le jardin de l'Union européenne. Ouais, en raison de l'adhésion prochaine de la Roumanie. Hein. Car ça voulait dire que tous ces Moldaves roumanophones qui accepteraient la proposition de Bucarest deviendraient ipso facto des citoyens de l'Union. Question délicate. Hein. Surtout à un moment où l'Europe entend contrôler et même réduire l'immigration à l'intérieur de ses frontières. L'étape suivante est encore une initiative russe. En 2004, donc un an après l'échec programmé du plan Cossack, Moscou s'adresse directement à la Roumanie. Donc en passant par-dessus la tête des Moldaves. Hein. Exactement. Le Kremlin propose alors un échange. L'annexion de la Bessarabie, c'est-à-dire la partie roumanophone de la Moldavie, contre la reconnaissance par Bucarest de la Transnistrie. Réaction, hein. Les Moldaves hurlent au loup. D'une part, parce que cette proposition fait fi de leur indépendance, et ensuite, parce que je crois vous l'avoir dit, ils n'ont pour la plupart nulle envie d'être absorbés par la Roumanie. Même s'ils partagent la même langue. Hein. Ça ne suffit pas toujours. Au fil des ans, les Moldaves indépendants ont forgé leur propre identité, leur propre personnalité. Donc ce nouveau plan russe échoue. Et là encore, je suis certain que Moscou s'y attendait. Mais la question transnistrienne reste pendante. Et continue à inquiéter. En cette même année 2004, c'est au tour de l'OTAN d'élever le ton. L'Organisation Atlantique demande officiellement à Moscou de retirer ses troupes présentes en Transnistrie. Oui, mais sans illusion. Naturellement. Et ça arrive à un moment où, après un relatif apaisement, la situation se tend à nouveau en Transnistrie. Que se passe-t-il alors? Les autorités de Tiraspol s'en prennent aux écoles roumanophones où plus de 4000 enfants sont éduqués. En roumain? Bien sûr. Ouais. Il est clair que les dirigeants transnistriens ont trouvé là un moyen de faire à nouveau parler d'eux et aussi de procéder à une sorte de purification linguistique. Ouais, en forçant les roumanophones à s'exiler. C'est évident. Mais parents et enfants résistent. On en voit même certains se barricader dans leurs écoles et affronter les forces de l'ordre. Ça signifie que le bras de fer continue entre Chisinau et Tiraspol. Plus que jamais, même si dans les coulisses on trouve des accommodements. Par exemple, la Transnistrie, territoire enclavé et sans accès à la mer, a un besoin vital d'exporter et d'importer des marchandises. Elle doit donc compter avec ses voisins moldaves et ukrainiens. Certes, les frontières de la région sont de véritables passoires. Tiraspol jouissant d'un accès pratiquement libre au port d'Odessa. Mais la possession de documents officiels de douane n'est pas inutile. Bah oui, et seule la Moldavie, à laquelle appartient légalement la Transnistrie, peut les fournir. Vous avez compris. Et Chisinau accepte effectivement de délivrer à Tiraspol des tampons douaniers et des licences d'import-export. Un cadeau qui est forcément accompagné de quelques concessions du côté transnistrien. Et c'est très intéressant. Quand on sait que ces échanges commerciaux, à l'exclusion des biens de consommation quotidien, portent essentiellement sur le trafic d'armes. Dans Le Monde du 25 septembre 2003, Mireille Brann analyse ainsi l'attitude de Bruxelles vis-à-vis de la Moldavie et de la question de Transnistrie. Depuis le 1er août, en effet, les autorités moldaves autorisent leurs ressortissants à avoir une deuxième nationalité. Cette décision est un véritable événement pour les Moldaves, dont les deux tiers sont roumanophones et un tiers russophones. Sans doute, ces derniers n'ont-ils pas attendu d'avoir un passeport roumain pour se rendre en Europe occidentale, où ils seraient déjà environ 600 000 à alimenter, pour la plupart, le marché noir européen. Mais la possibilité d'obtenir un passeport roumain leur ouvrira plus largement les portes de l'Occident, les Roumains n'ayant plus besoin de visa pour circuler dans l'espace Schengen depuis le 1er janvier 2002. En fermant ainsi les yeux, Bruxelles espère exercer un meilleur contrôle sur la circulation des Moldaves en Europe. Manifestement, les autorités européennes sont moins soucieuses d'une marée moldave en Europe que du sort de la Transnistrie, qui doit être réglée à tout prix avant 2007. Je reviens là à ce que vous disiez sur les facilités faites à la Transnistrie par la Moldavie. Celle-ci, en l'occurrence, seront donc complices. Sans nul doute, mais elle a eu des compensations. Ou plutôt ses dirigeants qui ont vraisemblablement reçu des pots de vin de la part de leurs homologues de Transnistrie. On a d'ailleurs noté que l'aéroport de Chisinau était très fréquenté. Et pas toujours par des gens du meilleur monde, mais je reviens tout de suite sur le sujet. Auparavant, deux observations. D'abord, l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne et les récents événements de Géorgie ont profondément changé la situation. En quoi ? Certains commentateurs ont annoncé le commencement d'une nouvelle guerre froide. Ce n'est pas tout à fait faux, car la Russie fait désormais peur et on risque de voir s'édifier aux frontières de l'Union un rideau de fer virtuel. Ou en Roumanie ? C'est ce que je crois, oui. Alors, combien de temps la faible Moldavie, qui s'enfonce de plus en plus dans le marasme, pourra-t-elle encore résister aux pressions russes? Car la Russie, qui a dénoncé le traité des forces conventionnelles en Europe à l'été 2007, un accord signé entre l'OTAN et les pays du pacte de Varsovie, ne se sent plus tenue de respecter ces règles. Traité signé avant la chute du mur. Et qui était alors ces règles ? L'obligation de donner des informations sur le mouvement de ses troupes et d'accepter l'inspection de ses installations. Traduction immédiate, les forces de l'ex-armée rouge sont installées durablement en Transnistrie, comme elles le sont en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Vous m'avez annoncé une deuxième observation. Oui, et elle concerne la situation interne de la Transnistrie. Smirnov n'est vraisemblablement plus là pour longtemps. Il va être chassé par les Russes ? Je le pense. Ce personnage qui a un grand faible pour la vodka... Lui aussi. A en effet fait son temps. Moscou a déjà mis en place une équipe susceptible de le remplacer. Plus jeune, plus technocratique. Moins corrompu ? Ça m'étonnerait. Parce que la raison d'être de la Transnistrie, outre le fait que c'est une base militaire russe, c'est de permettre le trafic et d'abord celui des armes. Un trafic lucratif pour beaucoup de monde, à commencer par la mafia russe. Alors, Smirnov, devenu trop encombrant, trop voyant aussi, va céder la place à plus ou moins long terme. Mais la Transnistrie, elle, ne changera pas. Et elle continuera à être ce monstrueux trou noir dont on feint trop souvent d'oublier l'existence. Mais si la Transnistrie l'a fait peur, c'est à cause de tous les trafics qu'elle abrite et qu'elle permet. Oui, oui, car ce ne sont pas des trafics anodins. La Transnistrie est en effet devenue un gigantesque arsenal où ont été accumulées des dizaines de milliers de tonnes d'armes. Des armes qui viennent d'où, hein? Oh, ben, elles ont plusieurs origines. D'abord, et assez curieusement, les autorités soviétiques avaient choisi cette partie de la Moldavie pour y entreposer d'incroyables quantités d'armes. Du temps de l'URSS, donc. Hein. Avant et après l'implosion de l'Empire. Mais pourquoi là? Oh, parce que je vous l'ai dit. Les dirigeants de l'ex-armée rouge considéraient cette région comme une position avancée sur les marches de l'Empire, une tête de pont, si vous voulez, et donc un endroit particulièrement stratégique. Situé à un peu plus d'une heure de vol de la mère patrie, on peut y débarquer rapidement des milliers d'hommes qui trouveront leur équipement sur place. Mmh. Et par conséquent, un allègement logistique pour Moscou. Ouais. Les chefs du complexe militaro-industriel ont donc procédé à l'édification d'une grande base militaire à proximité de l'aérodrome de Tiraspol. Un vaste polygone comportant d'immenses entrepôts souterrains. Ouais, pour stocker ses armes. Et de quelle nature, ces armes? Oh ben, y a tout. Des armes de poing jusqu'au matériel les plus sophistiqués, comme les missiles. Mais, et c'est assez terrifiant, il semble bien que dans cette caverne d'Ali Baba, on ait aussi entreposé des armes nucléaires. Oh, pas d'énormes fusées, non, non. Des mini-bombes, des valises nucléaires, comme disent les spécialistes. Lors du démembrement de l'URSS, ces engins miniatures auraient été rapatriés en Russie. Toutefois, certains se seraient égarés. Un euphémisme, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que ces valises n'auraient pas été perdues pour tout le monde. Alors, si c'est vrai, il n'y a que deux hypothèses. Ou bien elles ont été sciemment oubliées dans cette base militaire, ou elles ont été vendues à des trafiquants. Mais ça fait froid dans le dos. Hein. Effectivement, car même si ces engins ont vieilli et ne sont peut-être plus opérationnels, ben, il reste qu'ils contiennent des substances radioactives. Ah oui, alors qui peuvent être utilisées dans des bombes sales, comme on les appelle. Or, justement, il est probable que se trouvent en Transnistrie des munitions de ce type, des fusées à l'azan, chargées de matières fissiles. Ah ben ça, c'est de plus en plus inquiétant. Hein. C'est extrêmement dangereux d'évoquer ces sujets. Un colonel, l'ancien bras droit du général Yebed, Mikhail Berkman, qui a osé en parler, a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Ouais. D'accord, bon. Et admettons. Mais la question essentielle reste celle du contrôle de ces armes. Vous avez parfaitement raison. Et là, on entre dans une zone floue, car, toujours selon cet officier russe, les militaires transnistriens se seraient emparés d'une partie de cet arsenal. J'ajoute, ça ne vous rassurera pas, que des armes chimiques figurent aussi dans ces stocks. Ouais. Mais si les militaires de Tiraspol ont mis la main sur tout ou partie de ces matériels, qu'entendent-ils en faire? Ah ben, tout ça vaut très cher, et la tentation est grande de les vendre, car les marchands d'armes sont aux aguets et tournent autour de Tiraspol. On va en reparler. Mais je vous ai dit que ces armes avaient plusieurs origines. Il y a aussi les équipements de la 14e armée russe, blindés, missiles, mortiers, etc. Autant de matériel que les troupes rapatriées en Russie ont abandonné sur place au fur et à mesure de leur départ. Et là aussi, bah, il était tentant de piller ces stocks. De se servir. Bien entendu. Ouais. Enfin, il existe, si j'ose dire, une troisième source. Je vous ai parlé de ces établissements industriels transnistriens, gardés comme des forteresses par des agents de sécurité. L'explication est fort simple. Dans ces usines, sous couvert de fabriquer des matériels civils ou des biens de consommation courante, on produit des armes. Ça va du pistolet jusqu'au lance-roquettes anti-char, en passant bien sûr par le fusil d'assaut Kalachnikov, qui aurait été fabriqué en Transnistrie, à des dizaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Dans le plus grand secret, donc. Oh, ne croyez pas que je fantasme. Un récent dossier du New York Times confirme la plupart de mes propos. En tout cas, ça fait de la petite Transnistrie un énorme arsenal dont on retrouve les armes un peu partout dans le monde, et pas dans les meilleures mains. Certaines sont allées en Afghanistan, en Irak et en Afrique, où les dictateurs en ont fait un usage immodéré. D'où la convoitise de ces marchands d'armes dont vous parliez. Et je voudrais terminer en vous parlant de l'un d'eux. Celui qui a certainement été le numéro un du trafic d'armes dans le monde. Vous l'évoquez au passé, là. Oui, parce qu'après des années d'impunité, il vient de se faire coincer en Thaïlande et dort depuis en prison. Alors, qui est-ce? Victor Bou, l'homme qui a servi de modèle au réalisateur du film The Lord of War. Le Seigneur de la Guerre. Très beau film, hein, interprété par Nicolas Cage. Dans le rôle de Bou, oui. Mm. Mais au cinéma, toujours, il a sans doute aussi inspiré une autre œuvre. Blood Diamond. Les diamants de sang, c'est-à-dire l'exploitation sauvage des diamants africains vendus par des tyrans africains sanguinaires. Qui pillent, violent et massacrent pour obtenir ces précieuses pierres. Alors vous, ce Tadjik polyglotte qui répond à plusieurs identités, a compris très vite que la Transnistrie était une sorte de marché à ciel ouvert. Et depuis plusieurs années, il n'a cessé d'y faire des emplettes. En même temps, bien sûr, il a édifié une énorme fortune. Et ces armes achetées en Transnistrie, là, à qui les a-t-il revendues ? En plus offrant, naturellement. Un marchand d'armes n'a pas d'état d'âme, il fait du commerce, un point c'est tout. La meilleure preuve, c'est qu'il lui est arrivé plusieurs fois d'approvisionner un camp et le lendemain son adversaire. Soyez plus précis quand même, là. Bou a ainsi beaucoup fréquenté l'Angola, où il a livré des quantités d'armes considérables au chef de la guérilla antigouvernementale, Jonas Savimbi. On l'a aussi beaucoup vu au Congo, en Guinée équatoriale, mais il n'est pas du tout exclu qu'il ait aussi approvisionné les talibans, et donc Ben Laden et le Mollah Omar. Cependant, le sujet est tellement vaste et l'homme si intéressant que je vous propose d'y consacrer un prochain entretien. Ah ben, volontiers, mais est-on sûr que les armes de Bou, là, provenaient bien de la Transnistrie ? Il n'y a aucun doute. J'ai compulsé récemment des documents de l'ONU, mais aussi d'Amnesty International. Ils établissent formellement que les avions de Victor Bou ont fait de nombreuses escales en Transnistrie, mais aussi en Moldavie. Et parce qu'ils possèdent plusieurs avions. Une vraie flotte, oui. Ah, oui. Une des plus importantes flottes privées au monde. Mais bien sûr, les compagnies aériennes qu'ils possèdent ne cessent de changer de nom. Afin de brouiller les pistes, oui. Mais malgré tout, avec un peu de patience, on finit par recomposer le puzzle et donc de découvrir la vérité. Alors, avec l'emprisonnement de Bou, la Transnistrie a certainement perdu l'un de ses meilleurs clients, au moins provisoirement, car Bou, qui entretient des liens avec de nombreuses personnalités et pas mal de services secrets, finira bien par trouver un expédient pour s'en sortir. J'ai trouvé dans le livre de Xavier Deleu, Transnistrie, la poudrière de l'Europe, une très intéressante analyse de la raison d'exister de cette république de non-droit. C'est le journaliste anglais Brian Johnson Thomas qui la livre. L'intérêt de la Transnistrie est le suivant. C'est un pays non reconnu, donc lié à aucune convention internationale. Si vous êtes un pays sous embargo ou un mouvement rebelle en mal de matériel militaire, à qui pouvez-vous vous adresser pour obtenir des armes ? À ce genre d'état fantoche. Lorsque vous êtes un pays non reconnu, disposant de centaines de milliers d'armes, à qui pouvez-vous vendre vos surplus militaires ? Officiellement, à personne. En réalité, à des dizaines de groupes criminels sur la planète. Le rôle de la République moldave de Transnistrie dans la contrebande d'armes est donc cohérent avec sa non-reconnaissance. Deux livres pour terminer. D'abord, le seul ouvrage français sur la Transnistrie, livre que je viens de citer, La poudrière de l'Europe de Xavier Deleu aux éditions Hugo Doc. Et ensuite, Trafic d'armes, enquête sur les marchands de mort de Laurent Léger chez Flammarion.